prépare le thé pour un très long voyage. C'est pour l'amitié que tu m'as laissé m'engager. Ce soir je sortirai mon bel habit blanc. J'allumerai la lampe, je me mettrai devant. Tu verras bien du bout du chemin. Par la fenêtre, s'il y a quelqu'un. Tu vois, les amis sont allés se coucher. Edgar et Millie, et puis les autres après. Demain au soleil, nous nous brûlerons les yeux. Et puis au soleil, nous dormirons un peu. Ami dans mes mains, je le sens bien. C'est le monde entier qui doit brûler. Un feu. Ces années, la roue qui s'enroule depuis des milliers d'années. Toutes mes questions, si je les jette au vent, dessus ma tête, elles retomberont pourtant. Mis dans mes mains, je le sais bien. Le quart du monde ne restera pas cependant. Prépare le thé pour un très long voyage. C'est pour l'amitié.